Tamam. C'est quoi le féminin de Kalb? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'entends les gens dire Kalba, mais je sais pas si le féminin est authentique. On va dans le guide, dans le Kamus. Ça fait 5 ans qu'il est là, j'ai dit c'est quoi le féminin de Kalb? On m'a dit Kalba, j'ai dit non. Et pourtant, c'est ce que les gens disent, tu vois, mais je sais pas si c'est. Kalba aussi, j'ai dit non, tu t'es trompé. Il m'a dit bah c'est quoi? On va dans le Kamus, tu vois. Mais en tout cas, tu vas entendre les gens dire Kalba, là. Parce que au féminin, tu peux. Bon, ça c'est parce que c'est Jam et tous les Ism Ghayr al-Aqil, tu dis Hazi et tu dis Killa par exemple. Non, mais là c'est le dernier d'aujourd'hui, Inch'Allah. Ah ouais? Non. Voyez, donc on va d'abord corriger ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Donc, l'as-ila. عجيب عن أسئلة الآتية من أنتن من أنتن réponse à ce rapport au texte. Ah d'accord. من أنتن نحن بنات الشيخ عباس. نعم ولا كذلك عباسين il est quoi? Il est badal de شيخ. Et le badal, il est comme le sifa, là. Il prend la même irlab que le nom qui le remplace. Tu vois? Donc, Shayri, il est quoi? Moudafilé, donc il est majuro. Ouais. Donc, Abbasin, il va être majuro pareil. Il est juste majuro, il n'est pas Moudafilé. Ah non, Abbas, il est badal. Il est badal. Ah, ouais. Et le badal, il est un peu comme le sifa. Il prend la même irlab que le nom auquel il se rapporte, le nom qui suit. Voyez. Summa, Aïla, Ummukoum. Regarde, Nahnu. Ça c'est Damir. Un Moutada. Mounfasil. Ouais, Moutada. Hein? Là, t'es Moufid. Maafirbik. Non, laisse le moi. De quoi? Tu veux bien dans détailler deux? Tu ne fais pas qu'un troisième. Hein? Non, ne détaille pas un troisième. C'est-à-dire? T'as déjà eu des problèmes avec deux portables? Moi ouais, donc là, un troisième risque d'y passer entre les mains de cette créature là. Il sort de son coma là hier. Ouais, je vais me la manger. Parce que lui, il va t'en mettre une couche. Bon, je disais, Nahnu, c'est Damir Mounfasil. Hein? En même temps, il est Moukhtada. Dans l'Arabe, tu dis. Là, pour l'instant, dis Moukhtada, c'est tout, ça suffit. Moukhtada. Benet Khabar, Moudaf, Aïchir Moudaf Ilehi, ou Abbasin Badel. Nam. Juste ça. Nam, d'accord. Aina Ummukunna. Donc là il est khabar, il est mudaf, c'est là mudaf il est. Ok. Hiya al-an fi Riyad. Aina baytukunna. Moi j'ai pas mis al-an. C'est pas grave. Aina baytukunna. Baytuna fi Riyad. Aina akhukunna. Akhuna fi Riyad ma ummina. Non. Moi j'ai mis voix, c'est tout. Non, c'est ça. Le معنى c'est ça. Aina madrasatukunna. Où madrasatukunna? Madrasatukunna. Madrasa. 3 et 5, j'ai pas répondu. Aina madrasatukunna. Moi j'ai mis madrasatukunna, c'est bien. Ouais, ils le disent pas, mais c'est pas grave. Tu pouvais. Moi je pensais qu'il voulait tester, genre si tu dis n'importe quoi. Tu... là, c'est un kitab de niveau, c'est un kitab Awel, il ne tombe pas encore dans le... Il ne fait pas des coups bas comme ça encore. Non, non, c'est. Peut-être après vous voulez voir si tu allais, toi, avec ton imagination, comment tu allais te débrouiller. Ça y est, wa summa kal, azahabtunna ila al madrasati al yoma. Nahamda azahabna ilayna wa raja'na. Ça y est. ثم قلنا ايضا تدريب كم انتنا ولا دي سي انتنا نعم صافي انتنا c'était lequel le truc qu'il fallait faire on avait un autre c'était tout celui-là pas quatre ouais les autres on les a fait طيب تمام بس انا ندخل في الدرس السادس عشر dans ce درس باذن الله il est très important et contient une qaïda une règle un fondement dans la langue arabe qui est inévitable dans le parler de tous les jours. C'est très important qu'on comprenne aujourd'hui. C'est simple, mais il faut faire attention et c'est très important. Cette règle concerne Esh, Jam, Rel Akel, le pluriel des choses qui n'ont pas de raison. Voyez, Lienna la Hukman Khassan. Ces choses-là, elles ont un jugement qui leur est propre. Et ça n'a rien à voir avec notre langue. Donc, faut faire attention. Donc, la qaïda, la règle, c'est quoi? C'est que le jam, yani jam, le rayla aqil, hukmuhu, mufrad al muannas. Ce qui est, qui n'a pas de raison, son pluriel va être quoi? Ça va être un singulier féminin. Tous, hein? Tous. Vous voyez? Si tu veux qu'un pluriel de choses qui n'ont pas de raison, on va leur attribuer le jugement du quoi? Du singulier féminin. Masalan, kitab. Kitab, aqil ou ghayr aqil? Ghayr aqil. Ma wa jamu? Jam. Ma jam kitab? Kutub. Masalan, fil mufrad. Fil mufrad, t'akul, hadha kitabun. Wal jam, t'akul, hadhihi kutubun. Fahamt? Tu lui attribues tout ce qui revient au féminin singulier. C'est tout. Dans le sifa, dans le ismushara, dans les damaïr, tout. C'est comme si en fait tu avais un nom féminin moufrad. En fait, lui il change pas. Comment ça? C'est que le damaïr qui change en fait. Ouais, voilà. Non, même tout ce qui va derrière. Si tu veux avec le sifa, la sifa va être. Voilà. Mais Ali Koutoub, jamais là. Jamais là. Voilà, ouais, ça, ouais. Tout va en découler derrière. Ah, mais le mot en lui-même il change pas. Fahamt? Ah, d'accord. Le mot en lui-même. Même tu veux dire. Maintenant, tu veux dire Hadil Koutoum, Hiya, Jamila. Maintenant, tu ne peux pas dire Houm. Tu veux dire Hiya. Parce que Hiya, c'est le domaine de quoi? Moufrad Mouannas. C'est pour les Ghayl Aqil. Ghayl Aqil. Tu vois? Hada Koutoum. Hadihi Koutoum, tu vas dire. Tu ne vas pas dire Haoula Koutoum. Là. Tu veux dire Hadihi Koutoum. C'est un truc qui est propre dans la langue arabe. Au début, ça choque, et après, ça devient Hadi. Tu vois, au bout de l'avant, ça va être Hadi. Ça, c'est l'Aqil, là. Ça devient. Hein? Haoula. Non, ouais, pour les hommes ou les femmes, ouais. Les enfants. Et même pour les objets ou les animaux, tu vas pas dire Haoula. Des fois, il faut que des gens vont le dire pour des cas spéciaux, tu vois, mais là-bas, il faut pas le dire. Vous voyez? Masalan, au Tayyiba, Tayyibatun. Vous voyez? Tu vas pas dire Haoula, Koutoub, Tayyiboun. Ah bah, tu dis ça, tu vas passer pour une personne étrange. Tu vois, on va dire, toi, t'as pas étudié langue arabe, toi. Koutoub Tayyiba. Comme si tu dirais Adi Mara Tayyiba. Sauf que là, tu mets Koutoub à la place. Donc tous les animaux et les objets. Tayyiba. Bitarafa. Aïwa. Tayyiba. Moufrad. Ça prend le jugement d'un singulier féminin. Tayyib. Et ça, ça sera pas pour les animaux et pour les objets. Ah, la sifa donc apprend pas le diamant. Là, tout ce qui fut derrière, ça devient Mufrad Mouannas. Vous voyez? Donc attention, parce qu'après de là, ça va en découler de plein de choses. Le Mismushara qui va venir, le Damir qui va venir, le Sifa qui va venir. Toutes ces choses-là vont suivre le Hukm. Quand tu parles de Sifa, le Nam, c'est ça? Nam. Vous voyez? Donc faire attention pour Rakkez là-dessus. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut s'y habituer en fait. Vous voyez? Parce qu'on a Kharad Def. Vous voyez? Andana Mudarrisu ou Mohamed. فأنت المدرس يا محمد وتاء محمد تفضل لمن هذه الأقلام يا محمد هي لي هي لي يا أستاذي يا أستاذي ذو أستاذ. نعم هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحميد أين دفاتركم أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب نعم طيب il faut venir qu'un texte court parce que la règle n'a pas besoin de beaucoup d'exemples donc il dit مدرس لمن هذه الأقلام يا محمد وعليكم السلام donc أقلام c'est quoi c'est le jam de Aqlam. Donc regarde, il a dit Hadihi el Aqlam. Il n'a pas dit Haou el Aqlam. Vous voyez? Donc à qui sont ces beaux, ces stylos? Au Mohamed. Mohamed Yakoul, Hiya li ya oustaz. Donc regardez là, pareil, le domir qui vient à Aqlam, il a dit Hiya. En fait, fait là, il est en train de dire ils sont à moi. Elles sont à moi. Elle est à moi en fait. Enfin, on traduit littéralement elle est à moi, mais en fait, en français, on dirait ils sont, ce stylo, ils sont à moi. Mais c'est quoi le. Mais là, il dira, comme ça revient, Aklem. Je dirais que le mot à la base, il est Mouzaka. Non. Tous, Mouzaka le Mouannef, tout ce qui est Ayati le Hayouanet, il prend le Hukm de Moufrad Mouannef. Tous. Et c'est quoi le féminin de Aklem, de Kalem? Il n'y a pas. Il n'y a pas de féminin. À la base, il n'y a pas de féminin. Non. Un crayon. Stylo sans stylo. Une crayon. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de couple dans le Kalem. Ça y est, donc Yakoul, il y a Li, il y a Oustez. Ils sont à moi, au professeur. Donc regarde, elle a dit il y a. Et il y a, il revient à quoi? Aqlam. Hiya jamilatun jiddan. Wahadi l'kutubul jadidatu, eh hiya lak. Donc après, Moudalé, il dit ils sont très beaux. Tu vois, mais là, il a dit quoi? Hiya jamila. C'est bizarre. Tu vois, hiya jamila. Wahadi l'kutubu, comme on disait tout à l'heure, regardez, hadihi, il a pris une ism shara, il mufrad. Al-Mu'annaf, هذه الكتب الجديدة. La Jadida, il est quoi? En tout, il est Na'at. Donc il a mis quoi pareil? Il a pris le hukm du Mufrad Mu'annaf. هذه الكتب الجديدة هي لك. Est-ce que ces nouveaux livres sont à toi? Mohamed Yakoul, la هي لحامدين. Donc هذه مبتدأ هنا. Hein? اسم إشارة مبتدأ. مبتدا الكتب خبر و لا لا كان مضاف خبر خبر فقط لا لا ليس خبر اللي بدل لا اللي بدل نعم هذا الكتب اللي بدل يعني فول لما قال اللي بدل جديدة نعم mais il peut être badal aussi sans alif wala voilà mais là c'est il y a plusieurs catégories de badal là celui-là on l'a pris quand tu vois un ism shara et après un ism avec alif wala qui vient derrière directement tu juges que c'est un badal. C'est un autre genre de badal, il y a plusieurs genres de badal. Tayyib, Mohamed Yakoul, là, il y a les Hamidin. Non, ils sont à Hamid, c'est-à-dire les nouveaux livres. Il a employé Hiya. Il y a Hiya, Yarjih, il y a Mada, Al-Kutub, Al-Jadida. Ahiya, c'est quoi ça, Ahiya? Est-ce qu'ils sont à toi? Non, non. Ah, c'est Hamza, c'est Hamza, c'est le système. Non. Hiya, c'est Damir. Allah. Aïwa, c'est Mubtada, ou Alak, Khabar. Non. Et là, il n'a pas autre chose que Khabar? Là. Et hier, là, il n'a pas autre chose que Moutala? Là. À part Damir. À ce stade-là, on se contente de dire son Irlab. Moutala, Khabar. C'est nature, on la délaisse. Taïeb, ben Moudarif. Aina dafatirukum ya ikhwan. Taïeb, où sont vos cahiers, ô les frères? Donc là, il n'y a rien, on a dit. Ali yakul, hiya, ay hiya, ça revient à qui? Dafatir. Taïeb, les cahiers. هي هنا على هذا المكتب. طيب ils sont là sur ce bureau. Et هي ici aussi c'est Damas. C'est un mubtada. C'est un mubtada. Et هنا c'est خبر. على c'est حرف جر. وهذا إشارة المكتب بدل من هذا. فقط. Dans Aina c'est juste pour en fait là le Aina il est خبر مقدم. نعم. Et là, après, Dafatir, il est Moutada. Non. Mafoum, alors. Donc, après, il y a des exemples pour vous faire méditer. Non. Il y a Ikhwan. Il est quoi? Là, on a dit que ce qui vient après un Half Nida, c'est un Mounada. Il n'y avait pas Nida. Il serait quoi, Ikhwan? Il ne sera rien du tout. On n'aura pas besoin de lui. Là, il vient qu'après Ya, donc c'est Mounada. C'est pas un pilier dans la phrase. Il y a Akhi, par exemple. Ça aurait été Mounada pareil, Ya Akhi. Même si tu mets pas, t'es obligé de mettre Ya. Ça aurait été un Mounada avec un Harf Nida Mardouf. C'est un Mounada, ça reste un Mounada. Ah. C'est pas un pilier de la phrase. Tu aurais pu ne pas le mettre. D'accord. Tu parles de Ya Ikhwani, Ikhwani. Mais on s'éloigne pas, on reste sur le. Dans Mounada, le Nada, c'est notre bête. Ouais, c'est un Mounadi, mais il a une autre fonction. Là, là, c'est un Mounada, c'est tout. C'est un Mounada. Et après Ya, c'est un Mounada. C'est tout. Mounada Fakat. C'est tout. C'est pas un pilier dans la phrase. On peut l'enlever si on veut, la phrase ne change pas. Ça, c'est Jumla Moufida. Aïna, donc Aïna, c'est. Il a dit Khabar Moukaddam. Khabar Moukaddam. Ça y est. Yakoul, ta'ammel al-amsilatel atiya. Analyse les exemples suivants. Al-Mufrad, Yakoul. Hada Taliboun Jadidoun. Huwa min Belgika. C'est un nouvel étudiant, il est de Belgique. Donc là, il n'y a rien. Ton livre c'est Aqil ou Yaqil? Aqil. Aqil. Donc là, il n'y a pas de changement. Al-Jam de cette phrase. Ha'oula tullabun jududun. Hum min Belgique. Donc, ce sont des étudiants, de nouveaux étudiants, ils sont de Belgique. Ça, c'est l'exemple avec le Aqil. Donc, il n'y a rien. Aqil, il prend dans le Mufrad, il a un Mufrad, il a son Jam, il a un Jam. Et son Jam, il s'accorde en genre en nombre. C'est-à-dire, si c'est un féminin, il va être féminin, c'est un masculin, masculin. Summa, il y a Tibi Amsila, il y a Aqil. Il vient avec des exemples de ceux qui n'ont pas de raison. Al-Mufrad, Hadha Kitabun Jadidun. Wamin Belgica. C'est un nouveau livre, ou un livre neuf, il est de Belgique. Ça, c'est le Mufrad. Al-Jam, Hadihi Kutubun Jadida. Hiya min Belgica. Il n'a pas dit Haoula Kutubun Judud. Wahum min Belgica. Non. Comme on a dit, il va prendre le hukm d'un nom féminin singulier. Vous voyez, donc il a dit Hadihi Kutubun Jadida. طيب والضمير في هي طيب من بلجيكا طيب يقول حول المبتدا في كل من الجمل الاتيه الى جم دونك maintenant on va tester si c'est assimilé ou pas. مثلا هذا بيت donc ça va être هذه بيوت طيب c'est une maison et donc le pluriel ça va être هذه بيوت. الجمل الاولى عندك محمد هذا نجم هذا نعم c'est une étoile, ce sont des étoiles. هذا درس هذه دروس نعم c'est un درس, ce sont des دروس. هذا قلم هذه أقلام نعم هذا باب هذه أبواب نعم هذا نهر نهر c'est un fleuve هذه أنهار نعم هذا جبل جبل montagne هذه جبال نعم هذا كلب كلب chien comme on a déjà dit. نعم هذا بحر بحر في المياه هذه بحار نعم هذه بي نعم هذا كتاب مي او فيمينا par exemple je veux juste il y a pas de féminin non non juste ah ça existe pas féminin en bas non le mot les khas c'est comme la mer il y a masculin la mer la mer aïwa en français la mer c'est la mer c'est quoi biharat hein biharat. Les mers, plusieurs mers, la mer noire, la mer rouge. Ça va être un simple verbe de pluriel, sûrement. De quoi, Biharat? Biharat? Biharat, oui. Je connais pas ce mot. Bien, Baharat ou Biharat. Buhayrat, tu veux dire. Je connais pas, mais des fois, un djem, il a plusieurs djem. Il y a un djem d'un djem. Tu vois, en tout cas, le mot lui-même, il reste là-bas. C'est comme nous. Est-ce qu'on va dire la mer à la masculin? Non. Ne me dis pas l'océan. L'océan, c'est autre chose. Non, c'est pas, non, la mer est l'océan. Hein? Mais... Eh ben c'est pareil, la bah en arabe c'est un mot masculin. Il n'a pas de féminin. C'est pas un mot accouplé. C'est pas un mot qui a un couple. Non, mais c'est une chose, c'est. Le mot biharat, je l'ai vu quelque part. J'ai jamais entendu, mais un djem peut avoir d'autres jumours. C'est un mot biharat. Un mot, il a plusieurs djem. Vous voyez? Il a plusieurs pluriels. Ça ne change pas la nature du mot que c'est un fin. C'est sauvé. Il a pas vu? Non. Pas faire attention. Vous voyez? Non. هذا كتاب ايه ولد يا بني اتبو تعالوا هيا هيا تعالوا تعال معنا اليد مع جماعه تعال تعال الجروب في بدايه كثره الجروب دي لجان دو حق ما في تو سول. Les gens prennent pas ce hadith pour changer les choses. On est plus nombreux, donc nous on a le haqna. C'est quel koufar, et ben ils ont le haq. Ils sont plus nombreux que nous. Les moutadia, ils ont le haq. Ils sont plus nombreux que Salafi. Aïe aïe. J'ai fait ça y est. Ya bismillah. Donc on s'arrête où? Hada himarun. Himar c'est anan. Himarun, c'est où ça? 10. 10. Hadihi. Ben très bien la réponse. لا انا حمير لا رفع الجم يا كنت الجم هذه حمرون اي حمير سي كوا سا حمير باي سي سا جان تا C'est un autre nom. C'est un jam. Une autre nomination. C'est pas non, un non. C'est une autre nomination. C'est un âne, pareil. C'est juste un tu peux dire Himar ou tu peux dire Hamir. Hamir, c'est quoi au pluriel? Hamir, je crois pas que c'est un pluriel. Il n'a encore la soie de la soie de Hamir. Eh ouais, l'âne. C'est juste un, c'est pas plusieurs. Hein? L'âne, c'est la voix de l'âne. La voix de l'âne, non. Non, le jam, c'est Humour. Hada Sarirun. Ça veut dire c'est un lit. نعم هذا دفتر هذه دفاتر يا بالتنوين نعم هذا مكتب هذه مكاتب هذا فندق فندق في اوتيل pourquoi les autres ils ont تنوين c'est une règle pareil c'est les noms qui ont pas de تنوين tout à la fin ça va venir ils vont expliquer pourquoi ce nom là ne porte pas de تنوين. Ils ont une règle générale et après ils ont des catégories. Tu peux te donner Aza Fundukun. Hadi Fanadir. Hadi Sa'atun. Hadi Sa'atun. Nam. Hadi Sayyaratun. Vous en avez cité un ? Là. La Maktaba. On l'a dit Maktab. Ah ouais ? Pas Maktaba, c'est Maktab pour nous. C'est vrai ? Maktabou. Alors. Il l'a dit. هذه سيارة سيارة نعم ساعة في الفيديو سي نعم على الفطور مسافر واش نتي فاو دي كلير هذه سيارة هذه باي ما تقول هذه جايك لا صافي Allez. Donc là, on est plus dans la règle alors. Si on est dans la règle, il y a pas de changement. Pourquoi? Ah, parce que c'est un féminin direct, c'est pour ça. Moi, j'ai pas dit sujet avant, moi. Hein non, mais j'ai compris ce que j'ai. Depuis le début, on a des masculins, des mots d'origine. Ah ouais, non, je dis c'est pareil, ça change pas. Ah, féminin ou masculin, il va prendre le jugement d'un féminin singulier. Qu'il soit masculin ou féminin d'origine. Voilà. C'est la règle générale pour tous. C'est Yara ou Beit, ça va être pareil. Vous voyez non. Il va nous donner la règle. Taïdan, qu'est-ce que tu as dit Non. Hadihi Ta'iratun. طيب من هاي في يبتس بوار avec le اسم شارا للبعيد تلك نجم ذلك ذلك نجم نعم عفوا ذلك نجم كما تبغى تقول تلك نعم تلك نجوم تلك السيارة تلك السيارة تلك السيارة نعم ça change pas. Ça y est. On a fait moi là. Achir les asma il ati yati bi ism sharat il munasibin il karib. Hada hadihi ha ulai. Ça y est. Awen rajul. Rajul. Wa alaykum mustara utra. Rajul. Hati bi ism sharat il munasib. Hada. Nam. Rijalun. هذه رجال ها ابو هذه رجال هؤلاء الرجال ايوه كلب هذا كلاب هذه كلاب نعم دروس دروس دروس هذه مدرسون هؤلاء نعم أخواتي أخواتي هؤلاء أقلام هذه أقلام كتاب هذه هذا كتاب نعم سيارات هذه سيارات نعم سيارات مفردنا هذه حمار هذا كتب حمار الذي هذا حمار نعم كتب هذه نعم حمر هذه عين هذه طبيبة هذه طبيبات هكذا Adi tabibatun. Naam. طيب. أشير إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب البعيد. ذلك تلك أولئك. C'est le même exercice sauf que là c'est avec اسم إشارة البعيد. طالب. On met juste اسم إشارة. C'est le même sauf que là c'est اسم إشارة البعيد. طالب. طالب. أولئك. نعم نعم هكذا نعم كذا أولئك طالب طالب نعم سي با تيكا صح ذلك ذلك سي سي ذلك سي parce que c'est bon parce que ذلك سي bon non mais parce que ذلك سي bon voilà c'est ذلك انا طالب عاقل Et le moufra, donc c'est ذلك. طلاب. أولئك طلاب. نجم. Les نجم, regarde, c'est un غير عاقل. Et je vais utiliser ذلك aussi pour la même chose. Réponds à la question et après je te corrige, Inch'Allah. نجم. Il est au pluriel, là, نجم. C'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir. Bah non, c'est نجم, c'est ma faute. Bah moi, je dis ذلك. Ah, ok. Ça complique pas la vie, c'est ça. C'est un moufra, donc tu dis ذلك. Mais il est غير عاقل. Oui, mais il est. ذلك, c'est pas que pour les عاقل. Il est au singulier, là. Il est singulier. Il est pas au pluriel. Il est au singulier. Ça change pas au singulier. C'est au pluriel que ça change. T'as même ? C'est le pluriel qui change. Le singulier, il change pas. Il reste à adi. Nujumun. Là, c'est un pluriel. Tilka nujumun. Nam. Bintun. Bintun. ذلك. تلك نعم بنات أولئك نعم دراجة دراجة دراجة دراجة ذلك لا لا لا تلك لا لا لا لا لا لا لا لا Il est au masculin non. Il est au singulier. Féminin. Darajatun. Tilka. Nam. Sarirun. Sarirun. Darika. Sururun. Tilka. Dajajatun. Dajajatun. Dajajatun. ذلك دجاجة ذلك دجاجة مدرسة نعم نعم مدرسات نعم حجاج أو حج عفوا مفرد حاج في العام حاج في العام نعم ذلك نعم حجاج نعم مسجد ذلك سيارات سيارات تلك Et là, on a dit, c'est quoi là c'est Zalika Sariru. Ah, Sariru Nam. Est-ce que tu as dit Tu as dit que tu as dit que non, ma foumala là. Donc maintenant, faut s'habituer en fait. Quand on dans le parler, faut s'habituer. Et après, ça vient, inchallah, ça vient automatique. Donc maintenant, il fait le khurasa des asma ishara avec l'aqil ou al-aqil. Là. Tu vois, j'ai doué. أولا أسماء الإشارة القريب العاقل دي هذا طالب يبقى هؤلاء طلاب للمذكر المؤنث هذه طالبة والجمع هؤلاء الطالبات الحمد لله يعني مفرد بارك مفرد ها مفرد نعم الى هذه طالبات مفرد مؤنث نعم طيب ثم أسماء الإشارة للبعيد العاقل ذلك طالب مفرد مذكر أولئك طلاب جم مذكر تلك طالبة جم مؤنث مفرد مؤنث أولئك طالبات طيب جم مؤنث ثالثا أسماء الإشارة للقريب غير العاقل طيب pour celui qui n'a pas de raison les objets ou les animaux هذا بيت طيب مفرد مذكر هذه بيوت جم مذكر تلي هذه طيب هذه سيارة هذا مفرد مؤنث هذه كذلك سيارات طيب جم مؤنث غير عاقل رابعا أسماء الإشارة للبعيد غير عاقل ذلك بيت هذا مفرد هذا مفرد مذكر تلك بيوت جم مذكر جم مذكر تلك سيارة هذا مفرد مؤنث تلك نفس الشيء سيارات جم مؤنث donc on répète جم طيب جم غير عاقل حكمه حكم المؤنث المفرد طيب le pluriel de ce qui n'a pas de raison sa règle c'est qu'il prend le jument d'un féminin singulier dans tout voyez dans tout فعدل الخلاصة من درسنا اليوم مفهوم مفهوم يا عبد القادر فإلى هنا على الجبل والحمد لله رب العالمين على الجبل على